24. Jean Mian. Au tournant de la route, avant d'arriver au village, une douzaine de ruches s'alignaient. Approchons-nous pour voir si le bon soleil qui fait à l'abri de ce roc, dans ce creux de vallon, n'aurait pas réveillé les abeilles. Je m'aperçus alors que toutes les ruches étaient nouées d'un brin de crêpe et j'en conclus, connaissant la coutume, qu'il y avait un mort dans la maison. Une vieille femme passa, courbée sous son faix de litière. Je l'interrogeai. Elle me dit « C'est pour le Jean Mian que les cloches ont sonné. Depuis hier, il est allé nous attendre. » Et d'un geste de sa main, plus sèche que les buis de sa charge, elle me montrait sur le coteau le mur bas et blanc du cimetière. Jean Mian, mais je le connaissais, Jean Mian, un homme d'ancien temps, tout à fait à la vieille mode. Et soudain, je me le rappelais comme je l'avais vu si souvent, étant écolier, avec son chapeau blanc, ses culottes que boutonnait un bouton de buis large comme un petit écu, sa veste courte à collet montant, en burelle couleur de la bête, et son gilet rayé, dans les goussets duquel il aimait à fourrer ses poings. Ménétrier à ses moments perdus, Jean Mian fit longtemps danser aux vogues. Il était le dernier à savoir les vieux airs. Lui retiré, le cornet à piston, la clarinette sont venus, et le pays n'a plus entendu ronfler le tambourin ou gazouiller le galoubet, ce qui faisait comme une dispute de cigales et de rossignols. Jean Mian était pénitent. Combien de fois ne l'ai-je pas vu, aux processions, ce petit homme, trébuchant pieds nus dans la neige sous le poids du grand crucifix, tandis que sa cagoule relevée découvrait un menton rasé, un nez énorme, le tout ruisselant de sueur et deux yeux noirs plissés et vifs. Mais il en voulait au curé. Le curé Gravas, un révolutionnaire ennemi des bonnes traditions, n'avait-il pas fait enlever, à l'entrée de l'église, le vieux banc en noyer luisant, où, de temps immémorial, les bons pénitents, chaque dimanche, vendaient pour un sou aux gamins des carrés de gâteaux à l'huile. Et cela, sous prétexte que l'argent ainsi récolté s'employait à faire deux fois l'an, entre confrères, ce qui s'appelle un bon repas. Car Jean Mian, comme tous les artisans, tous les gens des petits métiers à son époque, était friand d'un fin morceau. Pour rien au monde, on ne l'eût empêché d'aller, sur le coup de 5 heures, à la chambrette, boire un verre avec les amis, en grignotant quelques amandes, ou, faute de mieux, en croquant un grain de sel gris qui faisait trouver le vin bon. Vous aviez alors à 2 sous 1 litre de vin paysan, aimable à voir et fleurant la grappe. Ces patriarcales débauches ne pouvaient, certes, porter tort ni à la bourse ni à l'estomac. Jean Mian ne détestait pas non plus de se payer sa partie de bastidon, une fois par hasard, le dimanche ou dans la semaine. En hiver surtout, par un beau temps, quand les jacinthes reverdies montrent le nez pour voir le soleil à travers les feuilles tombées. Après déjeuner, assis devant la porte, on regardait le jeune blé luire et frissonner à la brise, on s'extasiait sur les charmes de la saison bénie où tout germe et pousse à la grâce de Dieu pendant que l'homme se repose, et la philosophie s'en mêlant, toujours la philosophie s'en mêle quand il y a une pointe de muscat dans le cerveau, on se félicitait d'être au monde et on plaignait le sort des riches. Lorsqu'il s'agissait de bastidon, Jean Mian se montrait intraitable. Le bastidon était sacré pour lui, plus que son tambourin, plus que son banc d'église, plus que la Notre-Dame, vêtue de brocart, chargée de bijoux en or faux et à l'ascension ornée de pommes, de raisins et de cerises nouvelles, que les pénitents promenaient sur un brancard à travers la ville et sous laquelle les grands-mères nous faisaient passer pour que nous devinssions grands et forts. Un jour, son ami, Tonin Saigne-Fiasque le cordonnier, avait pris une résolution grave. Secoué la veille par sa ménagère, il s'était installé devant son établi dès l'aube et prétendait travailler d'arrache-pied jusqu'au soir à une paire de chaussures qui pressaient. Or, ce jour-là, précisément, il s'agissait de manger une douzaine de grives aux genièvres. Les manger sans Tonin, pas possible. Et Tonin, fidèle à son vœu, ne voulait pas se laisser tenter. Voyons, Tonin, sois raisonnable. Les grives n'attendent pas et tes chaussures attendront. Tu les achèveras demain. La mère des jours n'est pas morte. » Je ne peux pas, répondit Tonin. Et pourquoi ne peux-tu pas? Pourquoi? Parce que je me suis acheté un sou de feu ce matin et qu'il faut que je le profite. En effet, au beau milieu de la boutique, on pouvait voir une brasière où brûlaient bleus des coquilles d'amandes prises au four du boulanger. Un sou de feu. Les autres compagnons faiblissaient, vaincus par la force de l'argument. Mais Jean Mian, homme d'énergie, fouilla dans ses poches. « Ton sou de feu, tiens, le voilà !» Et Tonin laissa ses souliers, Tonin alla manger les grives. Sa conscience était tranquille, personne n'avait plus rien à dire, on lui payait son sou de feu. Jean Mian pouvait se montrer ainsi prodigue, ses moyens le lui permettaient. Avec son olivette, sa vigne, Jean Mian possédait en outre une écurie vaste comme une église, où, les jours de marché, il remisait, moyennant rétribution, les mulets et les ânes des villageois qui ne voulaient pas aller à l'auberge. 3 sous par tête et le fumier, ça fait de l'argent au bout de l'année. Aussi Jean Mian passait pour riche. On ne connaissait pas la fortune de Jean Mian. Il y a 3 semaines, Maître Trabuquet, le notaire, fumait la pipe devant sa porte quand il vit Jean Mian arriver. « Adieu soyez !»« Pour vous de même, et quel mauvais vent vous amène !»« Voilà, je me fais vieux, je perds la mémoire, et sans me méfier des voisins, à mon âge, on a tort de garder son argent chez soi. » Là-dessus, Jean Mian mit entre les mains du notaire une de ces corbeilles en paille tressée dont se servent les gens d'ici pour donner pitance à leurs bêtes. « Mais ce n'est pas de l'argent, c'est de l'avoine. »« C'est de l'argent aussi, tout est mêlé, vous me le trierez, j'ai confiance. » Jean Mian s'en alla, le notaire prit ses témoins et, comme la brise était bonne, soigneusement, on se mit à vanner avoine et monnaie en pleine rue. L'avoine s'envolait, et, au lieu de bons grains, au fond du crible, il retombait des pièces d'or. Jean Mian avait prévu sa fin. Il la fit d'ailleurs édifiante. Le sachant malade, l'abbé Gravasse, quoique brouillé, crut devoir monter chez lui. Jean Mian n'avait pas de rancune, ils se réconcilièrent. Puis, de fil en aiguille, l'abbé Gravasse confessa Jean Mian et proposa, puisque l'occasion s'en trouvait, de lui apporter le bon Dieu. « Apportez le bon Dieu, je vais un de ces matins loger chez lui, il convient que nous fassions connaissance. » Le lendemain, l'abbé Gravaz arrive, précédé de son clergent vêtu de rouge qui faisait tinter la sonnette et de 2 dévots portant les lanternes. Derrière, le quartier suivait. On entre, on tire les rideaux de l'alcôve. L'abbé Gravaz s'approche en parlant latin et soudain recule épouvanté. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je venais administrer Jean Mian et je trouve une vieille femme dans le lit. »« C'est bien Jean Mian, Pécaïre, Jean Mian en personne, monsieur le curé, » répondit une des commères. « Seulement, comme vous deviez venir avec le bon Dieu, nous avons pensé, pour plus de respect, à lui mettre, blanc et repassé, un bonnet de femme. » C'est ainsi qu'expira Jean Mian une coiffe à tuyaux sur la tête et un joli nœud blanc sous le menton. Maintenant, Jean Mian dort dans les lavandes, ses abeilles portent son deuil, et j'ai voulu, pourquoi donc pas, écrire l'oraison funèbre de ce brave homme qui, sans avoir jamais fait de mal à personne, vécut heureux et mourut tranquille à l'endroit où la Providence l'avait planté.